Daddy. C'est M-I-N-A-E. Wesh Daddy. Vas-y, kick-moi ça, ma gueule. Voici le nom de la Teranga. La jeune n'a qu'à bien se tenir. Les pseudo-rappeurs dans le zec, j'en ai des gros éclats de rire. Je tiens toujours les vrais sur mes côtes, même en tempête. Je veux pas rentrer dans Hippoland, je devrais fermer trop de clapets. T'es nouveau dans le rap, faudrait que je te souhaite la bienvenue. On peut t'agresser en plein vol, demande à Jean-Luc de la rue. Info dispo sur le blog, mec, je promets pour mes potes. Mec, capuche sur la tête, je veux pas briller sous les spots. T'es comme un acteur dans un film, t'es là à nous parler. Ta Yves, man, on s'en conne tellement bien que t'écouter, c'est pas ton script. Tu fais du scar, on va te trouver de recherche dans tout secteur. Demande au gars qui a goûté la cape et les coups d'extincteur. 11h du soir, les mains sont prises. Dans une feuille au CIP, bien entendu de la frappe, vos serres est perturbé. A honte est un négro, celui qui n'a pas de plan B. J'écrivais cette lyrique à bord du RERB. Les punchlines illimitées se trouvent au bois de la zoo. Je kick à toute vitesse, les MC se tiennent à genoux. J'suis ce mec respectable, j'm'éteins devant son père. Ne m'appelle pas petit frère, dans le peurage j'suis ton père. Mais on m'a dit que toi, tu rappelles, dis-moi qu'est-ce t'y connais. Monte, monte le level, tu seras toujours trop faible. Toi, tu rappelles, dis-moi qu'est-ce t'y connais. Monte, monte le level, tu seras toujours trop faible. Je viens d'un banlieue sud, personne ne marche sur mes pieds. Droite devant la bouche, dans un bain de sang noyé, je ne te laisserai pas pied. J'calcule le business, gal, c'est mon taret, un immigré. La ville à la retraite pourrait le faire émigrer. Bien sûr que je fais du son, ça faudrait pas l'oublier. Ça fout le boxon dans le studio, j'ai ni David ni douillé. Je viens de l'Afrique, de l'Ouest, c'est notre or qu'ils ont pillé. Wall of Suninke, peu laisse ta salive gaspillé. Ici ou là, des choses à faire ce soir, on se pose dans un appart. Va dire aux autres gars, je suis chaud à PES, qui veut que je tape. Alerte, remix du titre, te laissera un gros impact. Tu dis partout que t'aimes pas mon rap. Rap à moi, tu me dis que tu le trouves trop sale. Tu fais chier la jambe gauche, démarche du faux ricain. Ok d'accord, tu portes du Nike, mais sache que t'es africain. Moi je suis un kicker, les auditeurs le savent. Freestyle dans le hall 9 sous un nuage de bêta. Les punchlines illimitées se trouvent au bois de la zoo. Je kick à toute vitesse, les MC se tiennent à genoux. J'suis ce mec respectable, j'm'éteins devant son père. Ne m'appelle pas petit frère, dans le pleurage j'suis ton père. Mais on m'a dit que toi, tu rappelles, dis-moi qu'est-ce t'y connais. Monte, monte le level, tu seras toujours trop faible. Toi, tu rappelles, dis-moi qu'est-ce t'y connais. Monte, monte le level, tu seras toujours trop faible. Garde tes mauvais conseils, ne trafique pas net. Grâce à ça, j'suis dans le droit chemin, j'esquive la calèche. Tu te fais des ennemis, j'me fais des potos. J'parle avec des vraies meufs pendant que tu gères des bimbos. Pourquoi est-il si vrai? Pourquoi est-il si lucide? La tête sur les épaules, mes ambitions sortent d'usine. Quand je serai grand, je veux de l'espace avec une bête de piscine. Je veux faire du bif, faire du buzz, mais sans blé, c'est le jean. T'as pas de style en short à fleurs avec un blouson Redskins. Qui a plus de soi dans le secteur, c'est ma team. La main franche, paire de claques si tu nous sous-estimes. Inch'Allah, un de ces quatre, j'aurai les deux pieds dans le jean. Jusqu'ici, j'ai vu de tout, des mecs chauds, des victimes. J'ai jamais chié pendant que t'es interdit de la vivre. Le combat ne dure qu'un round, seras-tu de la partie? Dans le peurati ATM et t'en es très vite parti. Les punchlines illimitées se trouvent au bois de la zoo. Je kick à toute vitesse, les MC se tiennent à genoux. J'suis ce mec respectable, j'm'éteins devant son père. Ne m'appelle pas petit frère, dans le peurage j'suis ton père. Mais on m'a dit que toi, tu rappelles, dis-moi qu'est-ce t'y connais. Monte, monte le level, tu seras toujours trop faible. Toi, tu rappelles, dis-moi qu'est-ce t'y connais. Monte, monte le level, tu seras toujours trop faible. Hey, tu seras toujours trop faible, hein. Hey, monte le level, ma gueule. Tu fais du rap, toi? Tu me fais rigoler. Hey, c'est quoi? Y'a pas de rap game, c'est de la hagla que je fais, moi. T'as compris? Pas là pour jouer. Hey, pointe l'arzou, ma gueule. M-I-N-A-L. J. Ok. Ok.